Je clarifie simplement les choses. Parce que la personne qui se croyait de réincarnation atlantéenne, en fin de compte, elle ne l'est pas. Ça ne change rien. Les vrais Atlantes reviennent, c'est normal. Et ceux qui, au Québec, croyaient à être atlantéens sont surtout de renaissance, de réincarnation, possiblement unitaire, donc vers l'homme nouveau, de cette race atlantéenne finalisante, la plus évoluée, qui a quitté l'Atlantide pour venir s'échouer au Québec pour aller par après, avec l'aide de Ram ou de Rama, coloniser l'Inde sous l'effigie de la première sous-race de la race mère blanche. Alors, ceux du Québec qui se croient atlantéens, vous êtes beaucoup plus ariens. Race qu'Adolf Hitler a voulu ramener sur la planète. Mais c'était pas le temps. Alors, Daniel, la balance, il y a beaucoup de compliments. Je pense que les gens ont énormément apprécié ta conférence, puis je partage cette opinion-là. Je pense que ça a été une des conférences les plus intéressantes de Daniel. Il restait deux questions concernant des spécialités, la massothérapie et le karaté. On peut la garder dans une conférence on où on traitera des énergies. Aussi. Oui, ou encore. Okay. Mais même la semaine prochaine, on va... La semaine prochaine, oui. Okay. On va faire une nouveauté, c'est qu'on va commencer à répondre aux questions la semaine prochaine, et puis après ça, on continue à calme. D'accord. Je rappelle aussi aux gens du PMC que dimanche, le 22 décembre, il y a Diaporama sur le Pérou et un souper qui suivra donc la conférence spéciale de Daniel. Qu'à l'achat du billet pour votre prochaine conférence de Daniel, vous pouvez avoir la première partie de l'enregistrement de ce soir. Et qu'aussi, c'est le dernier jour pour s'inscrire au séminaire PMC sur l'homme nouveau que donnera Daniel. Alors, les intéressés.